Chapitre 2e. À l'époque fixée, Luciano partit pour la Suisse. La comtesse lui avait déjà parlé de cette villa, une merveille de goût et de luxe à ce que l'on disait. Il n'avertit point de son arrivée pour se conformer aux caprices de la grande dame, et parce qu'à lui aussi l'idée d'une surprise plaisait. Descendu du bateau à Évian, il prit une voiture en jetant au cocher ce nom de la Sourbelle qu'il avait maintes fois répété tout seul. Une demi-heure plus tard, le char à banc s'arrêta devant une grande grille très ornée et dorée, entourée et cachée à demi par des arbres énormes. Le temps était superbe, le ciel clair, la lumière diffuse, et le lac, entrevu à travers la file de peupliers de la route, paraissait encore plus bleu que de coutume. Le vent léger chantait entre les hautes feuilles qui dominaient les pilastres de la grande porte d'entrée. Luciano se sentit, en ce moment, très heureux. Tout lui souriait. Il frappa à la loge du portier, d'où une femme sortit qui prit ses valises et le précéda en lui montrant le chemin. Bientôt la villa apparut, d'abord masquée par les arbres. Luciano marchait lentement, regardant, respirant la senteur des fleurs, attentif au craquement du sable fin sous ses pieds. Comment trouverait-il la comtesse dont il ne savait plus rien depuis si longtemps? Il rêvait. Gaiement, il souriait à l'étrangeté de l'aventure. La villa se dressait devant lui, toute blanche, de style italien, avec un portique à colonnes. Le jardin s'étendait de tous côtés, vaste et verdoyant. Il monta sous le portique, regarda par les vitres des trois grandes fenêtres, et vit un grand salon somptueux et sombre, vide. Il semblait que depuis longtemps les meubles n'eussent pas été touchés. Redescendant, il prit à gauche, et trouva un petit perron abrité par une véranda. C'était la vraie porte d'entrée. En effet, déjà averti par une cloche sonnée à la loge du portier, un valet de pied se présentait, tout en noir, sérieux et solennel, non sans une certaine morgue. « Madame la comtesse ne reçoit personne. »« Veuillez lui porter ma carte, que voilà. Je suis attendu par madame la comtesse. » Le valet de pied le fit entrer dans une pièce à gauche et monta au premier étage. Ricciardi avait remarqué sur le visage froid de cet homme toute la quantité de stupeur qu'un domestique de bonne maison peut se permettre. La pièce où il se trouvait, tendue d'une étoffe de soie grise à fleurs d'un rose passé, ne paraissait pas habitée non plus. Aucun signe de vie. Cette ville-là, si gaie extérieurement, devenait lugubre à l'intérieur. Il y régnait un silence profond, le luxe s'y étalait, pesant et triste. Que signifiait tout cela? Il attendait. Le domestique ne revenait pas. Il se perdait en conjectures, se sentant envahir par une vague inquiétude croissante, bien qu'il se trouvât absurde d'être ainsi préoccupé. Cherchant la distraction d'un livre, il jeta un coup d'œil sur les tables et les guéridons. Il n'en vit aucun. Ni objets inutiles, du reste, ni fleurs. Évidemment, la maîtresse du logis ne venait jamais dans ce salon. Le ferait-on monter au premier? Comment serait-il reçu? Il se rappela son caprice inassouvi, le charme morbide de cette femme. Il rêva aux heures prochaines, les savourant déjà. Cette villa élégante, arrangée comme un appartement parisien, isolée au milieu de ce parc verdoyant, semblait vraiment faite pour des amours modernes. C'était vraiment un bien joli refuge, décoré selon les goûts d'une femme telle que la comtesse. Mais on aurait pu la croire absente pour le moment. Depuis longtemps, Luciano avait attendu l'heure qui allait sonner. Souvent, dans ses rêves, il se l'était décrite à l'avance. La villa se trouvait être à peu près telle qu'il se l'était imaginée, mais il n'aurait certes pas cru devoir tant attendre dans un salon désert, avec mille doutes lui passant par la tête. La porte était restée entr'ouverte. Ayant besoin de mouvement, il passa dans les pièces voisines. D'abord il se trouva dans le grand salon déjà entrevu du dehors, puis dans une sorte de library, ensuite dans un boudoir, dont il ouvrit avec précaution la porte fermée, tout entouré de très larges et bas divans orientaux et rempli d'un parfum qu'il reconnut. Au moment où il rentrait dans le premier salon, le valet de pied revenait enfin. « Madame la comtesse prie M. Ricciardi de l'excuser. Elle ne pourra descendre que dans la soirée. En attendant, quand M. désire, le dîner est prêt. » Surpris, il suivit machinalement le domestique. Il s'abandonnait aux étrangetés de son sort, renonçant à comprendre. De plus, il avait appétit. Il dînait donc seul dans l'élégante salle à manger au plafond décoré de sujets mythologiques. Ce fut un court et triste repas, servi par l'imposant domestique, qui, interrogé, rassura Luciano avec une sorte de réticence sur la santé de la comtesse. Naturellement timide et plus intimidé que de coutume, et très nerveux en ce moment, le poète fut 10 fois sur le point de l'interroger de nouveau et n'osa jamais. Les paroles que déjà il avait sur les lèvres, il ne pouvait les prononcer, et puis il lui semblait presque rêver tout éveillé. Ce qui lui arrivait était si différent de ce qu'il avait prévu. Pourquoi était-il là? Que faisait-il? Il acheva de dîner sans se décider à parler, et fit ensuite un tour dans le jardin, regardant les fenêtres du premier étage, dont une seule était ouverte. Rentrant dans le salon au moment où on y apportait des lumières, il attendit encore, il attendit comme il le faisait depuis qu'il était entré dans cette maison. Très là, il commençait à penser qu'il avait eu tort de rester. Tout à coup, la porte s'ouvrit sans bruit, et une forme noire apparut sur le seuil, dans l'ombre. C'était une vieille dame, très grande et maigre, en deuil, qui s'avançait lentement. Elle imposait par la profonde expression de douleur de son visage conservant les traces d'une rare beauté, de son visage très pâle, marqué de longues rides, et dont la bouche semblait condamnée au silence. Les cheveux décolorés, mêlés de gris et d'un faux blond, tout blanc sur les tempes. Luciano d'abord ne reconnut pas la comtesse. Surpris au dernier point, presque effrayé par cette apparition, au regard fixe, épouvanté. On aurait dit une statue de la douleur. Elle s'avança, tendant la main, essayant de sourire. « Pardonnez-moi de vous avoir laissé seul. Je crains qu'on ne vous ait fait dîner très mal. » Mais elle dut se taire. Un frémissement convulsif agita tous les muscles de sa figure. Deux grosses larmes lui rayèrent les joues. Elle resta comme pétrifiée. Luciano, troublé, atterré, la prit par un bras, la fit asseoir. Il essaya encore de parler, mais n'y réussit pas, et brusquement, allongeant la main sur une petite table restée dans l'ombre, elle prit un objet qu'elle tendit à Luciano. C'était le portrait d'une belle et douce jeune fille qui lui ressemblait. Sur le cadre en bois noir courait un ruban d'argent avec ces mots « Marie-Louise Caroline de Sontange, 22 août ». Luciano comprit tout. La fille de la comtesse, cette fille dont elle ne parlait presque jamais et qu'elle aimait si profondément, était morte. Tout était perdu pour elle, tout changé en ce court espace de temps. Son énergie, son courage, sa vie, tout avait été abattu du coup, et en un jour s'était écroulée son indomptable jeunesse. Le poids des années, qui avait pu à peine effleurer sa beauté insolente, était tombé brusquement sur ses épaules. Une autre, sentant comme elle, en serait peut-être morte. Plus forte, elle restait debout, foudroyée. En quelques heures, s'était accompli le triste ouvrage que les longues saisons n'avaient pas su commencer. De cette réalité, plus horrible que le plus horrible rêve, elle s'était réveillée vieille. Dans sa vie aventureuse, l'amour pour son unique fille avait été l'oasis pure, la seule source de vérité et de douce fraîcheur. Maintenant, son passé avait disparu, la femme connue de tous était morte en elle. Il ne survivait plus que la mère, ignorée jadis, vivant, mutilée d'une vie déchirante. Enfin, Madame de Sontange éclata en sanglots et pleura longtemps. Luciano la laissa pleurer d'abord, puis il tenta de la calmer un peu. Comprenant l'inutilité de toute parole, il s'efforçait de mettre dans le murmure de sa voix quelque chose de calmant. Dans la stupeur des inconsolables deuils, et lorsqu'on ne désire que la solitude, on est parfois bercé par la musique de vagues sons résonnant à l'oreille, que nous écoutons à peine, mais dont nous sentons la bonté. La voix de Luciano fut la première que la comtesse put entendre sans trop de souffrance, depuis le jour terrible. Qui en aurait deviné la raison? Mais de son côté, elle ne savait pas parler. Elle répondait par monosyllabes, remerciant, souriant amèrement. Puis elle retombait dans sa léthargie, puis elle revoyait son enfant ainsi qu'elle l'avait vu pour la dernière fois, et alors elle n'écoutait plus. Pendant les silences, le poète regardait ce visage si changé, ce visage que le temps avait été impuissant à marquer et que les larmes avaient défait. Et en le regardant, il oubliait l'étrange contraste entre les pensées qui l'avaient accompagné en cette vie-là et la soirée qu'il y passait, entre son attente et la réalité. Et il ne sentait plus qu'une pitié profonde et une fraternelle sympathie. Toute une vie avait été accumulée pour la pauvre femme en quelques jours. Mais il lui semblait presque à Luciano que pour lui aussi des mois se fussent écoulés depuis le matin. Puis, pour la première fois depuis son malheur, elle put parler un peu. Luciano devinait que cette mère, retirée en une solitude complète, incapable jusqu'alors d'entendre une voix humaine, était maintenant étonnée de pouvoir l'écouter. Elle qui avait si souvent pensé à Luciano durant les derniers mois de son existence victorieuse, elle l'avait complètement oublié, ainsi que tout le reste, du jour où sa fille était tombée malade. Son passé, le monde, tout disparut alors. La mère seule resta. Jamais, dans la longue agonie, elle n'avait quitté le chevet de son enfant, luttant férocement contre le mal, debout jusqu'à la fin, torturée par le désespoir de l'impuissance. Intelligente, elle fit plus que les médecins. Croyante, elle jeta toute son âme à Dieu en une supplication pleine de foi ardente. Folle de douleur, elle tenta de sauver sa fille en la serrant avec une force suprême entre ses bras, lui soufflant sa propre vie, espérant un miracle dû à l'intensité de son amour. Mais la nature avait froidement achevé son horrible besogne. Et maintenant, de ce trésor de jeunesse, il ne restait plus que la mémoire. Caroline de son temps était moins grande et peut-être moins belle que sa mère, mais bien séduisante. Un joli et indicible sourire passait parfois sur sa bouche sérieuse et éclairait son visage un peu grave, mais sur son front ses 20 ans riaient toujours. Les yeux, d'une couleur indécise, innocents et intelligents, étonnés et scrutateurs, troublaient à son insu. Elle possédait une grâce naturelle inimitable. Elle avait été une gamine joufflue et très vive. Puis, à l'adolescence, tout à coup élancée et affinée, une jeune fille adorable était apparue en elle. Sa mère, qui lui avait non seulement donné une parfaite éducation, mais qui s'était toujours occupée d'elle sérieusement malgré sa vie irrégulière, avait su, avec un tact suprême, la tenir éloignée du monde et de sa propre existence, sans toutefois trop s'en séparer. Et elle l'aimait, a-t-il besoin de le dire, comme les femmes de son espèce, quand elles sont bonnes, aiment une fille unique. À l'apogée de ses triomphes, dans les heures plus ardentes de sa vie tumultueuse, la comtesse n'aurait pas hésité à se sacrifier tout à sa fille, si cela eût été nécessaire. Oh, ces jours, ces heures inoubliables, et desquelles, cependant, la malheureuse femme ne se souvenait que d'une manière confuse. On avait dû l'arracher du corps de son enfant et l'emmener de force. Puis tout Paris avait laissé des cartes à sa porte. Malgré sa résolution de ne voir personne, quelques amis et quelques amis eux étaient parvenus à troubler sa retraite, poussés pour la plupart par une détestable curiosité. De suite alors, décidée à les fuir, elle était partie pour sa villa du lac de Genève, où elle n'avait jamais été avec sa fille. Ayant tout perdu, elle avait tout oublié. La comtesse de Sontange, que tous avaient connue, disparue. La femme qui survivait était une autre. Quand on l'avait avertie de l'arrivée de M. Ricciardi, elle avait dû faire un effort pour bien se souvenir de lui. Elle refusa d'abord de le voir, comme elle l'eût fait pour n'importe qui. Puis, réfléchissant que c'était un homme de talent, se souvenant qu'avec son instinct presque infaillible, elle l'avait jugé bon, qu'il ne ressemblait guère aux autres, et oubliant tout le reste, elle consentit à le recevoir et le fit prier de rester. Bientôt, elle s'aperçut de ne s'être pas trompée. Il la comprenait. Il savait se taire et il savait parler. Sa présence lui fit du bien. Les effets d'une grande douleur sont mystérieux. On ne sait pourquoi, au lendemain d'une catastrophe, tandis qu'on n'a ni la force ni l'envie de voir les personnes les plus intimes, la présence d'un étranger peut calmer. Voilà que, ne sachant qui appeler auprès d'elle, ayant horreur de tous, et craignant aussi de devenir folle dans une solitude absolument ininterrompue, quelqu'un dont elle ne se souvenait plus était providentiellement arrivé, quelqu'un qui avait su se métamorphoser devant elle, oublieux lui aussi, et qui, sous une apparence froide, cachait une âme d'élite. Luciano resta quelques jours. En se promenant parfois seul le long de la grande allée d'entrée, il pensait aux idées qui lui passaient par l'esprit quand il était arrivé, et il souriait à la bizarre tristesse des choses humaines. Et quand il partit, il sentit que, même de loin, il penserait souvent à cette femme, qu'il existait un lien entre eux, et de son côté il fut sûr que l'amitié de ce poète pourrait peut-être encore parfois la soulager dans l'avenir inconsolé qui l'attendait, qui s'étendait, long encore, ainsi qu'un désert, devant ses pas fatigués. Telle fut l'aventure de Luciano Ricciardi avec la comtesse de Sontange. Luigi Gualdo.